vous installer confortablement dans un endroit qui vous convient, où vous ne serez pas dérangé. Vous tenez le dos droit, sans tension. Vous libérez les tensions qui sont présentes dans votre dos, dans vos épaules, dans votre nuque. Beaucoup de tensions sont souvent présentes dans la nuque. Relâchez-les. Détendez-vous. Et vous fermez tout doucement les yeux. Vous vous laissez pénétrer par cette musique. Elle vient toucher vos racines. La lumière de votre âme. Et vous portez tout doucement votre attention sur votre respiration. Vous observez simplement le passage de l'air dans vos poumons. Votre respiration est douce, profonde. Vous n'essayez pas d'en modifier le rythme. Portez maintenant tout doucement votre attention au creux de la paume de vos mains. Regardez-les simplement. Observez-les. Vous ressentez peut-être des picotements, de légers mouvements d'énergie. Acceptez-les. Portez maintenant tout doucement votre attention au creux de la plante de vos pieds. Regardez-les simplement. Observez-les. C'était peut-être des mouvements d'énergie. Acceptez-les simplement. Portez maintenant de nouveau votre attention sur votre respiration. Ressentez-la simplement. Observez-la. Elle s'installe tout doucement dans votre ventre. Doucement. Profondément. Votre souffle descend de plus en plus bas dans votre ventre. Vous sentez que votre corps s'alourdit. Petit à petit. Votre corps devient lourd. Pesant. De plus en plus lourd. Sentez vos jambes devenir lourdes. De plus en plus lourdes. Vous sentez vos pieds devenir lourds. De plus en plus lourds. Votre corps se fait de plus en plus pesant. Vous sentez petit à petit que vous vous enfoncez dans la terre. Doucement. Vous sentez la fraîcheur de la terre. Vous avez peut-être peur. Regardez simplement cette peur et laissez-la passer. Elle ne vous appartient pas. Regardez-la simplement et laissez-la passer. Vous descendez maintenant de plus en plus profondément dans la terre. À l'intérieur de la terre. Vous sentez cette terre, elle est fraîche, elle est accueillante. Laissez-vous accueillir par cette terre. C'est votre mère. La mère nourricière qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Elle vous nourrit. Elle vous protège. Elle vous rassure. Acceptez sa nourriture. Acceptez son réconfort. Vous descendez maintenant toujours plus profondément. Peu à peu, vous voyez au-dessous de vous apparaître un petit point rouge, un rouge vif, très lumineux. Vous vous dirigez vers lui, ce point grossit de plus en plus. Vous arrivez devant une énorme boule, couleur de sang. Elle est chaude, très chaude, et pourtant ne vous brûle pas. Vous pénétrez dedans. Ce rouge est le rouge de la Gartha, la matrice des forces originelles, la source de toute vie. Vous vous sentez bien dans ce rouge. Retrouvez votre état originel. Vous comprenez le mystère de la vie. Vous comprenez que le divin est lié à cette matière. Est cette matière. Vous laissez bercer par ce rouge. Vous laissez porter par ce rouge. Vous le vivez pleinement. Il pénètre tous vos organes, toutes vos cellules. Gardez désormais ce rouge à l'intérieur de vous. Vous ne serez plus jamais pareil. Vous resterez toujours capable de vous reconnecter à l'énergie de la terre nourricière. Vous remontez maintenant. Tout doucement à la surface de la terre. Vous reprenez tout doucement votre état de conscience ordinaire. Vous retrouvez vos perceptions physiques. Tout doucement, quand vous le sentirez, vous vous étirerez, vous ouvrirez les yeux. vous êtes là, ici et maintenant.